Théâtre radiophonique. Radio Néderlande vous propose une fantaisie policière de Pierre Olivier, dialoguée par Marc Cottel. Le brigadier mène l'enquête. Excusez-moi, ouais. Excusez-moi, monsieur, vous êtes le commissaire Bourma, hein? Oui, mais comme voulez-vous, brigadier. Oh, mais je vous ai reconnu. Et alors? Excusez-moi, ça me fait drôle de vous voir en slip de bain. Mais quoi, c'est une tenue normale sur une plage, non? Ah, oui, vous avez raison, mais ça fait drôle quand même. Mais alors qu'est-ce que vous me voulez? D'abord, comment saviez-vous que j'étais ici? Oh, vous savez, au village, tout sait. Et puis, excusez-moi, commissaire, mais... c'est mon métier, tout savoir. Oui, et un gendarme se renseigne, oui, c'est toujours utile. Oui, et alors, que voulez-vous? C'est à propos d'une enquête. Ah non, je... rien à faire, je suis en vacances, je veux absolument rester en dehors des affaires. Une enquête qui pourrait être sensationnelle, monsieur le commissaire. Je vous répète, ça ne m'intéresse pas du tout, des enquêtes j'en fais toute l'année. Alors pendant mes quelques semaines de vacances, je me repose, un point c'est tout. C'est quoi votre enquête? Un vol? Mieux que ça. Quoi, un crime? Je crois que oui, vous vous rendez compte? Quoi, un crime dans le village? Oui, c'est une mort suspecte. Le médecin a refusé le permis d'inhumer. Non, tant pis, allez, prévenez la police, le parquet, moi je veux pas m'en occuper. C'est vrai? Là, je vous ai dit, je reviendrai pas sur ma décision. C'est vrai? Mais tout ce qu'il y a de plus vrai. Mais j'ai l'impression que ça vous fait plaisir, c'est curieux ça. Vous venez me relancer jusque sur la place, vous m'annoncez une enquête sensationnelle, je refuse de m'en occuper, et c'est d'ailleurs mon droit, et vous paraissez enchanté de ma décision. Je le suis, monsieur le commissaire. Vous êtes quoi? Enchanté. Enchanté. Pourquoi? Parce que je renonce à cette enquête? Oui, monsieur le commissaire. Et pourquoi êtes-vous venu me voir alors? Pour savoir ce que vous alliez faire. Eh bien maintenant, vous le savez. Oh, c'est magnifique ça! C'est la chance de ma vie, ça. Oh, merci, monsieur le commissaire. Oh, je savais que vous étiez un homme de cœur. La chance de votre vie, qu'est-ce que vous raconter. Mais oui, monsieur le commissaire, j'aurais jamais pu lutter avec vous. Lutter avec moi? Je suis qu'un pauvre brigadier, monsieur le commissaire. Bah, je vois pas le rapport. Bah si, bah, comprenez-moi. Je suis qu'un pauvre brigadier, condamné à le rester toute ma vie. Et ça vous plaît pas? Ah si, monsieur le commissaire, j'adore mon métier. Ah bah tout est parfait. Ouais, mais j'aimerais qu'on le sache, monsieur Quoi? Le commissaire. Que vous pouvez changer ma vie, monsieur le commissaire. Et moi? Oui, vous pouvez faire de moi un héros, une étoile de la gendarmerie. Mais en faisant quoi? En m'aidant, monsieur le commissaire. Mais vous aidez à faire quoi? Une enquête, monsieur le commissaire. Quoi? Vous voulez faire l'enquête sur le crime dont vous venez de me parler? J'aimerais bien, monsieur le commissaire. Mais vous n'avez pas le droit, vous devez immédiatement alerter la police. Et si je vais vite? Mais comment ça? Mais si je découvre le coupable, moi tout seul. Vous rendez compte, monsieur le commissaire, du coup d'éclat, de la fierté de mes chefs, et puis aussi de mon avancement. Oh. Eh, tout le monde le saura, dans le village, à la ville, dans tout le pays, à l'étranger aussi peut-être. Mais vous prenez une très lourde responsabilité, car si vous trouvez rien, on saura que vous avez attendu 24-48 heures avant de prévenir les autorités. Et alors là, moi j'ai pas l'impression que vos chefs seront fiers de vous. Je vous le dis franchement, monsieur le commissaire, tout seul, je pourrais rien faire, mais si... Si quoi? Mais je vous le dis comme je le pense, monsieur le commissaire, si vous m'aidez... Mais non seulement vous usurpez un pouvoir qui vous appartient pas, mais vous voudriez que je sois votre complice. Oh, ah non? Non, monsieur le commissaire, non, pas un complice. Je me permettrai pas, alors disons, un conseiller. Et qu'est-ce que vous avez dit avant? Je fais quoi avec le pouvoir? J'ai dit que vous usurpez. Ah oui, c'est ce mot-là qui m'a... Oui, enfin, je veux dire que vous vous emparez de pouvoirs qui ne sont pas les vôtres. Mais c'est une occasion unique, monsieur le commissaire. Un crime dans mon village, mais c'est inespéré, ça s'est jamais vu. Je risque d'attendre des années avant d'en retrouver un autre. Oh non, monsieur le commissaire, c'est une occasion que je ne peux pas laisser passer, croyez-moi. Monsieur le commissaire, j'ai du flair. Je vous jure que j'ai du flair, mais là, il manque de la pratique, là. La région est calme, vous comprenez? Il se passe jamais rien. Et voudriez que je fasse quoi? Vous acceptez? Ah, mais minute. Non, sans vous, monsieur le commissaire, sans vous, je serai toujours qu'un gendarme, mais avec vous, je deviens LE gendarme. Vous comprenez? Je fais la preuve que LE gendarme n'est pas plus bête qu'un autre. Vous me comprenez? Hein? Eh bien, moi, je trouve que déjà, sans avoir rien fait de spécial, vous n'êtes pas un gendarme comme les autres. Oh, c'est fou ce que vous avez du flair, monsieur le commissaire. Donc, même pendant les vacances, le travail me persécute. Ça veut dire que vous acceptez? Ah, vous m'amusez. Oh, merci, monsieur le commissaire. Le brigadier mène l'enquête. Ben, je trouve ça assez drôle. Ah, je vous jure que ça peut être très drôle, monsieur le commissaire. J'en doute pas. Ça m'amuse assez de donner une leçon aux jeunes inspecteurs de la ville. La tête qu'ils feront en apprenant que le pauvre brigadier a découvert un assassin tout seul. Quelle leçon de modestie. À condition, bien entendu, qu'il y ait un crime et un coupable. À quoi pensez-vous, monsieur le commissaire? Ce que vous me racontez. Alors c'est oui, vous aimez à m'aider. Ouais, j'accepte. Ah, monsieur le commissaire. Mais à une condition. Oui. Que ça reste entre nous. Mais je demande pas mieux, monsieur le commissaire. Et c'est uniquement à titre privé, pour vous être utile, que je m'occupe de cette affaire. Ah, à titre privé, monsieur le commissaire. Je vous donne ma parole de gendarme, que personne ne saura jamais que vous m'avez aidé. Là, je vous le jure. Oui. Bon, eh bien, retournez à la gendarmerie. À vos ordres, monsieur le commissaire. Moi, je vais changer de tenue et je vous retrouverai dans une demi-heure. À la gendarmerie? Évidemment. Entendu, monsieur le commissaire, c'est entendu. Ce que vous faites, monsieur le commissaire, je l'oublierai jamais. Ça, jamais. Et voyons d'abord ce qui va se passer. Allez. Je vous retrouve à la gendarmerie. À vos ordres, monsieur le commissaire. Émile! Oh là là là là, il est sourd comme un pot. Hein. Émile! Ouais! J'arrive! Dépêche-toi, c'est urgent! J'arrive! Oh, celui-là, il est jamais là quand on a besoin de lui. Ben alors, quoi? Mais qu'est-ce qui t'arrive, Léon? Assieds-toi un instant et écoute-moi bien. C'est si grave? D'abord, je te demanderai de ne plus m'appeler Léon. Oh? T'as reçu une promotion? Pas encore. Ben alors? C'est très important. Il faut que tu m'appelles brigadier. Ben... Et moi aussi, je suis brigadier. C'est pas pareil. Dis-moi, Léon, qu'est-ce qui t'arrive? J'ai rien fait de mal pour te choquer. Tu m'as pas choqué, mais tu dois quand même m'appeler brigadier. Pas toi aussi, alors? Si vous voulez. Mais voilà que tu me dévoues maintenant. Oh, toi, il y a sûrement quelque chose qui va pas. Laissez-moi vous expliquer. Brigadier? Quoi? Je veux dire qu'il faut que tu m'appelles brigadier. Non, écoute, Émile, j'ai pas le temps de rigoler, hein, ni de faire le pitre. La situation est grave et importante. Oh? La situation est capitale. Mais explique-toi, bon sang. J'attends une visite très importante. La visite de qui? Le commissaire Bourma. Le grand commissaire Bourma? En personne. Ah, ben ça alors. Hein, tu comprends maintenant qu'il ne s'agit pas de faire le pitre. Hein? C'est très important. Et qu'est-ce qu'il vient faire ici? Il vient me voir. Toi? Oui. T'as déjà ennuyé? Non, pas du tout. Il vient me voir en ami. En ami? Pour une affaire de la plus haute importance. Oh. Et qu'est-ce que c'est? Chut! Secret professionnel. Oh, moi, je te trouve ben mystérieux. Ah, voilà, hey, c'est lui. Attention, ne dis rien, hein. Ne te mêle pas de la conversation, laisse-moi. Mais hein? Par où tu veux que je sorte par la fenêtre? Ah oui, mais c'est vrai. Attends, tu sortiras après. Bon. C'est silence, hein. Entrez! Ah, monsieur le commissaire, quelle joie de vous revoir. Je vous présente Émile, mon collaborateur. Bonjour. Entre nous, c'est pas une lumière. Hein. Bonjour, brigadier. Mes hommages, monsieur le commissaire. Mais c'est bon. Alors, brigadier, voulez-vous nous laisser quelques instants? Oui, entendu, Léon. Mes hommages, monsieur le commissaire. Il n'a pas l'air très dégourdi. Hein? Il est vieux. Remarquez, il n'a jamais été très malin, et puis il est trop familier aussi. Enfin. Et alors, si on passait aux choses sérieuses. Hein? Mais je demande que ça, monsieur le commissaire. Eh bien, je vous écoute. Racontez-moi ce que vous savez. Voilà, je commence par le début. Ah oui, c'est préférable. Mais c'est aussi mon avis. Bon. Alors, voici. La nuit dernière, Jacques Morange a été trouvé mort dans sa propriété. Le médecin, le docteur Pujos, a refusé le permis d'inhumer. Jusque-là, tout est simple. Ah, si le médecin a refusé le permis d'inhumer, c'est peut-être pas aussi simple. Et c'est exactement ce que je me suis dit moi aussi. C'est curieux, hein? Une coïncidence, sans doute. Et qui est ce Jacques Morange? C'est un grand avocat. Oh là là, mais vous prenez des risques considérables. Hein? Quel âge a-t-il? L'avocat? Oui. La cinquantaine. Et le médecin? Docteur Pujos, c'est le médecin du village. Et l'avocat Jacques Morange, il habite ici? Ah non, non seulement en été. Il est seul? Non, et avec sa femme, mais aussi un autre couple, les Richon. Et monsieur Richon est avocat lui aussi? Vous avez deviné juste. Ben, tout ça n'est pas très excitant. Pourquoi? Ben, ce sont des avocats, alors si ça tourne au vinaigre, on risque d'avoir des ennuis. À vrai dire, il n'y a plus qu'un avocat, puisque l'autre est mort. Oui. Enfin, tant pis. Puisqu'on a commencé, allons voir tous ces gens. Entrez! Excusez-moi, brigadier. Je viens d'apprendre une sale histoire. À quoi? Chez les Morange. Le médecin refuse l'enterrement. Je vous en supplie, brigadier, ne vous mêlez pas de cette affaire. Quoi? Il faut prévenir la police, le parquet. Rien. Rien du tout. Je prends l'affaire en main. Là, vous occupez de rien. Bon, clair? Bon, ça va. Moi, ce que j'ai dit, c'est pour être utile. Oui, très bien, je vous remercie. Alors, vous occupez pas. Je m'en occupe. Bon. Qu'est-ce qu'il peut être gaffeur, celui-là? Il fait son métier. Oui, c'est vrai. Enfin, quand même. Allez, allons voir vos clients. Eh bien oui, monsieur le commissaire, oui, chaque année, durant la période des vacances, je rencontre la famille Morange. Je suis, si je puis dire, leur médecin de campagne. Oui. Monsieur Morange était malade? Oui, un très grand cardiaque. Maladie assez grave, mais il se soignait avec beaucoup de discipline. Un malade exemplaire, il prenait régulièrement chaque jour 4 à 6 gouttes de digitaline. Oui, donc sa mort vous a surpris? Je ne m'y attendais pas, c'est vrai. Et vous avez refusé le permis d'inhumer? Eh bien, j'ai cru en effet qu'il était de mon devoir de refuser ce permis, car, à mon avis, j'ai l'impression que la mort de M. Morange est due à une absorption massive de médicaments. La digitaline? C'est cela. Entre 50 et 100 gouttes, selon les sujets, la digitaline peut rendre aveugle et tuer. À mon avis, voyez-vous, il faudra faire une autopsie. Oui, il faudra faire une autopsie, mais ça n'empêche pas une enquête, vous comprenez? Oui, il faudra prévenir le parquet, demander une autopsie. Oui, bien sûr. Mais faisons quand même une enquête, tout de suite. Oui, mais c'est ce que nous faisons. Mais si nous devons faire une autopsie, il va falloir ameuter toute la police, le parquet. Moi, je crois qu'une enquête doit se faire discrètement. C'est à vous de décider, mais en ce qui me concerne, ma conscience m'interdit de délivrer le permis d'inhumer. Il n'est pas question de ne pas faire d'autopsie, mais ça peut attendre quelques heures. Mais naturellement. Nous ferons procéder à l'autopsie lorsque le moment sera venu. C'est à vous de décider, monsieur le commissaire. Eh bien, je vous remercie, docteur. Je vous tiendrai au courant du développement de l'enquête. Je peux vous rappeler ce soir? Mais certainement, monsieur le commissaire. Je serai chez moi toute la soirée. Je vous remercie, docteur. Je suis à votre disposition, monsieur le commissaire. À ce soir, docteur. Au revoir, brigadier. Et maintenant, brigadier, nous allons chez les Morange. Mais attention, pas de brusquerie, pas de maladresse. Comptez sur moi, monsieur le commissaire. Notre méthode, c'est la discrétion, notre objectif, c'est la vérité. Mais attendez, c'est discrétion et c'est vérité. Comptez sur moi, monsieur le commissaire. Croyez bien, madame, que je suis très conscient de l'épreuve qui est la vôtre et que si ce n'était le devoir, j'aurais la discrétion de ne pas troubler ces moments pénibles. Je vous remercie, monsieur le commissaire. Je vous demande pardon de mon état. J'espère que vous me comprendrez. Je ne comprends pas. Je, Je n'arrive pas à imaginer. Alors, nous compatissons, voilà, mais ça... Mais qu'est-ce que vous voulez? Le devoir prime tout et l'exercice de oui, ma... Oui. Madame, je dois vous poser quelques questions, mais je vous promets d'abuser le moins longtemps possible de votre temps. Vite et bien, quoi. Oui, c'est ça. Oui. Le docteur Pujos nous a dit que Maître Morange prenait chaque jour de 4 à 6 gouttes de digitaline. C'est exact. D'ailleurs, très souvent, c'est moi qui lui préparais son médicament. Croyez-vous, madame, que votre mari aurait pu forcer la dose? Oui, le docteur Pujos affirme que l'absorption massive de digitaline, de 50 à 100 gouttes, selon les cas, peut aveugler et tuer. Vous vous demandez si mon mari aurait pu... Si c'est volontairement qu'il... C'est une question que je me pose. Mais on se demande, voyez-vous, s'il y a suicide ou non. Voyons, brigadier. Oh, je ne vais pas croire à cette explication. Mais je me pose la même question, monsieur le commissaire. Vous n'excluez pas cette hypothèse? Je préfère ne pas y penser, monsieur le commissaire. Et vous avez quand même envisagé cette éventualité? Je ne sais pas. Depuis quelque temps, il était ombrageux, inquiet, facilement irritable. Son état de santé le désespérait. Oui. Et vos amis, monsieur et madame Richon? Ce sont de merveilleux amis. Heureusement qu'ils sont là. Mais que pensent-ils de cette affaire? Nous en avons très peu parlé. Vous vous connaissez depuis longtemps? Louis et Jacques ont fait leurs études ensemble. Et Nicole, la femme de Louis, est devenue ma meilleure amie. J'aimerais pouvoir m'entretenir avec monsieur Richon. Je peux lui demander de venir, si vous voulez. Non, en m'excusant à l'avance de ce dérangement. J'aimerais le voir, oui. Je vais l'appeler. Merci, madame. Alors, brigadier, qu'en pensez-vous? Rien. À mon avis, ça n'avance pas, voilà. Après tout, qui sait? Il est peut-être mort de sa belle mort. Ah, vous capitulez. Non, je récapitule. C'est drôle, ça, monsieur le commissaire. Je ne sais pas si l'endroit est approprié à cette drôlerie. Oui, pardon. Excusez-moi, commissaire. Mais le fait est que jusqu'à présent, on ne sait pas grand-chose. Patience. Patience. Voici monsieur Richon. Vous désirez me voir, monsieur le commissaire? Vous acceptez de me rencontrer, je vous en remercie, maître. Je n'ai aucune raison de me priver de la joie de faire votre connaissance. Vous êtes très aimable. C'est très sincère, croyez-moi. Je vous présente le brigadier. Je connais monsieur de vue. Brigadier Léon Valette, respectueux, maître. Le docteur a refusé le permis d'inhumer. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle... Oui, je m'en doute. Ce médecin de campagne fait son devoir, c'est honorable. Dans le doute, on s'abstient, c'est prudent. Mais convenons que le doute est souvent dissipé par une meilleure connaissance des choses. Vous voulez dire que le docteur Pujos doute inutilement? Je ne suis pas médecin, mais connaissant l'état de mon ami, je ne vois pas pourquoi la crise cardiaque lui inspire une telle méfiance. C'est malheureusement un fait quotidien. Enfin. Maître Morange était un grand ami. Mon meilleur ami. On se voyait tous les jours. Et pendant les vacances, on peut dire que nous vivions vraiment ensemble. Vous avez donc pu remarquer un changement d'attitude de la part de votre ami ces derniers temps? Oh non, non, pas du tout, absolument pas. Toujours aussi drôle, charmant. Naturellement, il était parfois inquiet pour sa santé, si c'est à cela que vous faites allusion. Oui. Monsieur et madame Morange formaient un couple uni. Un couple parfait. Jacques était l'intelligence et l'humour, et... Quant à Sophie, en plus de cette étonnante beauté, elle est merveilleusement féminine, toujours souriante, discrète. Et vous ne pensez pas que Maître Morange aurait pu se suicider? Oh non, non, pas du tout. Évidemment, peut-on jamais savoir ce qui se passe dans la tête d'un malade, mais... Non, à mon avis, c'est une hypothèse à exclure. Et Madame Richon? Ma femme? Oui, que pense-t-elle du décès de Maître Morange? Elle en est profondément affectée, comme nous tous. Auriez-vous une objection à ce que je m'entretienne avec elle? Vous savez, elle est très bouleversée, très émue, et... Mais si vous désirez absolument la voir... Je vous en serai très obligé. Voulez-vous patienter quelques instants? Je l'appelle. Je vous remercie, maître. Votre impression, brigadier? À mon avis, c'est un homme qui a de l'instruction, ça. Mais encore. Qu'est-ce que je dirais, il s'exprime très clairement. Ouais. Et vous impressionne. Quand même, c'est du beau monde. Oui, ça reste encore à prouver. Mes hommages, madame. Mon mari m'a dit que vous vouliez me voir. Oh, quelques instants seulement, je vous suis très reconnaissant de votre compréhension. Voici le brigadier. Léon Valette, brigadier, respectueux, madame. Bonjour, monsieur. Pensez-vous, madame, que Maître Morange ait pu se suicider? Ah non. Non, monsieur le commissaire, c'est une chose impossible. C'était un homme tellement gai, tellement amoureux de la vie. Une chose pareille est inimaginable. Inimaginable? Pourquoi? Je ne sais pas. C'est impossible. C'est inimaginable. Oui, c'est ça. Je n'arrive pas à imaginer une chose pareille. Oh, tout le monde peut être la victime d'un moment de dépression. Ah non, pas lui. Au contraire, c'était un homme fort, mais sensible, raffiné. Je ne peux rien vous dire de plus, monsieur le commissaire. Bon. Et madame Morange, c'est votre amie, n'est-ce pas? Mais enfin, pourquoi me posez-vous toutes ces questions? Non, je vous demande simplement si madame Morange est votre amie. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit? Que vous étiez sa meilleure amie. C'est ce que je dois accepter. Que voulez-vous dire? Mais je ne veux rien dire, monsieur le commissaire. Je suis désolé, madame, d'insister, mais vous devez me dire tout ce que vous savez. C'est très important. Eh bien, je peux vous dire, monsieur le commissaire, que je sais tout. Je ne suis pas dupe. Si je me tais, c'est par convenance, pour éviter le scandale. Mais vous savez quoi? Vous le savez aussi bien que moi. Mais quoi? Vous voulez absolument me le faire dire? Oui. Oui, je sais tout. Tout ce qu'il y a, tout ce qu'il peut y avoir entre mon mari et Sophie. Ma meilleure amie, comme vous dites. C'est elle qui le dit. Naturellement. Vous voulez donc dire que votre mari et madame Morange sont amoureux l'un de l'autre? Je le sais, monsieur le commissaire. Et monsieur Morange le savait, lui aussi? Oh, il ne m'en a jamais parlé. Non, je vous demande pardon, madame, de cette pénible conversation. Je suis terriblement nerveuse en ce moment. Je vous prie de m'excuser, monsieur le commissaire. Je vous en prie, madame. Venez, brigadier, nous allons à la gendarmerie. À vos ordres, monsieur le commissaire. Mes hommages, madame. Au revoir, monsieur le commissaire. Respectueux, madame. Au revoir, monsieur. Alors, brigadier, que pensez-vous de tout ça? Monsieur le commissaire, on peut dire qu'il y a bien de la misère dans le monde. Ah oui, je suis de votre avis, mais que pensez-vous de cette affaire? Aucun doute. Ah. Vous le savez aussi bien que moi, hein? Mais vous me mettez à l'épreuve. Vous vous demandez si un brigadier de gendarmerie est capable de faire une enquête comme un commissaire, hein? Admettons. Alors? Quelle est votre conclusion? Je suis prêt à faire mon rapport tout de suite. Ah oui, pour dire quoi? Pour dire que Maître Morange s'est suicidé, voilà. Tiens. Je sais pas quoi, c'est pas votre avis? Pas exactement. Vous auriez vu quelque chose que j'ai pas vu? Je suis beaucoup plus réservé que vous, j'ajouterais que vous menez cette enquête à la hâte. À la hâte? À la hâte? Eh oui, vous dépêchez, vous précipitez. Mais monsieur le commissaire, il faut absolument que je trouve le coupable aujourd'hui. Et s'il n'y a pas de coupable, que je prouve quelque chose avant ce soir. Enfin, voyons. Alors, après, il sera trop tard. Ce sont les autres qui trouveront, vous comprenez? Alors, adieu mon heure de gloire et mon avancement. Il faut avant ce soir qu'on sache partout que j'ai élucidé cette affaire. Avec vous, bien sûr. Mais comme vous tenez à rester en dehors de toute cette histoire, officiellement, c'est moi, brigadier Léon Valette, qui aurait éclairci le mystère. Donc, il faut faire vite. Faire vite, oui, d'accord, mais sans précipitation. Oui, sans précipitation, mais vite, vite, très vite, très vite, très, très vite. Alors, j'élimine le suicide, qu'est-ce qui reste? Mais j'ai pas dit que j'éliminais le suicide. Je croyais... Brigadier, non. Croire, c'est vaincre des doutes. Et dans une enquête, le doute doit être vaincu par des faits. Vous comprenez ça? Si vous le dites, et que c'est vrai. Bon. Pour ma part, je vois trois coupables possibles. Trois coupables? Alors, d'après vous, tout le monde est coupable, même Madame Richon? Non, probablement pas, mais enfin, on ne sait jamais. Mais qui alors? Simple hypothèse. Coupable en puissance, Sophie et Louis, pour obtenir la liberté. Oui. Nicole Richon, pour se venger. Vous croyez vraiment? J'en doute, mais peut-on jamais savoir? Autre hypothèse, Jacques Morange a bien pu se suicider, soit par désespoir, vu son état de santé, soit aussi pour faire accuser quelqu'un. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Eh bien, vous voyez que c'est pas aussi simple. Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Oh! Excusez-moi, monsieur le commissaire. Oui? Mais il y a une chose qui m'étonne un peu. Ah bon? Et qu'est-ce que c'est? Non, vous m'excusez si je prends la liberté de... Non, je vous en prie, je vous en prie. Alors, bon, voilà. Il me semble que vous n'avez demandé à personne comment le poison, enfin, je veux dire, la digitaline. Là, oui. Là, voilà, le médicament, hein, vous n'avez pas demandé comment le médicament avait été administré. Ben voilà, brigadier, je vous félicite. Moi? Oui, vous. Vous venez de me donner la preuve que vous étiez un fin limier. Oui, mais oui, entrez. Dis donc, brigadier, c'est le toubib qui demande où en est l'affaire. Vous voyez, commissaire, il est le temps de faire vite, hein? Bon, je t'ai dit et te redis de ne pas te mêler de cette histoire. Mais je m'en mêle pas. Excusez-moi, commissaire. Qu'est-ce que vous disiez à l'instant? Je disais que vous étiez un fin limier. Tu entends? Quoi? Je suis un fin limier. Bon, et alors, c'est pas un nouveau grade dans la gendarmerie, ça? Vous l'entendez, commissaire? Oh, jaloux. Quoi? Moi? Jaloux de toi? Oh, ça alors, qu'est-ce qu'il faut pas entendre? Bon, alors pour le toubib, qu'est-ce que je dis? On le rappellera dans une heure ou deux, et ne dit rien de plus. Bon, ça va. Je sais pas ce que tu fabriques, mais t'en fais des mystères. Ce que je fabrique, tu le sauras ce soir. Allez, filez! Oh, oui, doucement, allez-moi. Je suis bien curieux de savoir ce que tu trafiques. Ouais, faut l'excuser, commissaire, il n'est pas très malin. Bon, alors, je suis un fin limier. Et personne ne m'avait jamais dit ça. Oui, vous êtes un vrai chien de chasse. Fin limier, c'est mieux. Vous posez une question capitale. Pourquoi n'ai-je pas demandé comment on avait administré le poison? Mais oui, pourquoi? C'est une question qui m'est venue comme ça à l'esprit. Eh bien, je voulais d'abord connaître mes personnages, faire un peu de psychologie. Mais nous allons maintenant réunir tout ce beau monde et nous allons effectivement poser la question. Ça sera le moment le plus délicat de l'enquête. Absolument. Mais je sens que vous faites de plus en plus de progrès, brigadier. Ah, que voulez-vous? Quand on est à fin limier, c'est l'instinct qui parle. Oui. Alors, oui. Venez, nous allons chez les morts. Mesdames, messieurs, je tenais à vous revoir pour vous remercier de votre aimable et très utile coopération au cours de cette rapide enquête. Le brigadier et moi, nous sommes arrivés à la même conclusion. Nous croyons effectivement qu'il y a eu suicide. Mais excusez-moi, monsieur le commissaire. Je ne vous ai pas demandé si vous désiriez prendre quelque chose. Voulez-vous un whisky? C'est une excellente idée. Un doigt de whisky? Ma foi, si tout le monde en prend. Tout le monde en prendra, monsieur le commissaire, sûrement. Vous aussi, brigadier? Oh, du whisky, mon Dieu, je pense bien que j'en ai jamais bu. Un petit verre vous fera pas de tort, brigadier. Ah, si vous m'y autorisez, j'accepte. Nous sommes ravis de cette issue, car tout le monde ici a horreur du scandale. Et puis, vous savez, dans notre profession... Évidemment. Je n'aurais jamais cru que Jacques pourrait en arriver là. Au fait, comment la digitaline a-t-elle été versée dans le verre de Maître Morange? Mais à vrai dire... Ben oui, à vrai dire, on n'en sait rien. Oui, c'est vrai. C'est une question à laquelle je n'ai pas pensé. À moins que... À moins que quoi? Jacques, malgré sa maladie, avait gardé l'habitude de boire quelques gouttes de whisky de temps en temps. Dans cette pièce? Oui. Pourquoi? Parce que je viens de voir une chose étonnante. Une chose étonnante? Le geste qui trahit. Le geste? Mais de qui? Où? Je viens de voir ce geste. Là, dans la glace. Ici, au-dessus de la cheminée. Oui, maître Richon. Moi? Oui. Vous êtes nerveux, très nerveux. Mais... Et c'est cette glace qui vous a sauvé la vie. Mais enfin, je ne comprends pas. Vous comprenez très bien. Je viens de vous voir dans cette glace pendant que j'avais le dos tourné. Vous avez fait tourner le plateau avec les 5 verres de whisky. Mais... Pourquoi? Mauvais réflexe? Mauvais souvenir? Racontez-moi, monsieur Richon. Mais vous racontez quoi? Ce que vous avez fait. Mais enfin, je... Racontez-moi, monsieur Richon. Je ne vois absolument pas ce que vous voulez dire. Dans ce cas, inutile d'insister. Vous vous expliquerez avec le commissaire qui va me succéder dans cette affaire. Ne vous fâchez pas, monsieur le commissaire. Alors arrêtez de jouer au plus malin. Au suicide, je n'y crois pas. En tout cas, pas d'une manière aussi simple. Ou vous me racontez exactement ce qui s'est passé, ou je m'en vais. Ah ouais, oui, monsieur Richon, ça vous avez intérêt à tout raconter. Jacques s'est suicidé. Mais comment? Nous étions dans cette pièce. Les verres de whisky étaient sur ce plateau. Et c'est vrai, dans la glace, j'ai vu sans qu'il puisse s'en apercevoir que Jacques faisait un mouvement. Je n'ai pas très bien vu ce qu'il faisait. Mais j'ai eu peur, un pressentiment. Et je ne m'étais pas trompé. Il avait mis du poison dans votre verre. Oui. Sophie est arrivée à ce moment-là. Elle est entrée dans la pièce pour nous montrer... Un vase qu'elle venait d'acheter chez un antiquaire. Tenez, le vase est là, vous pouvez le voir. Il est là, près de la cheminée. Oui, c'est exact. Il y a un vase. Jacques est allé l'admirer et j'en ai profité pour faire tourner le plateau. C'est vrai, monsieur le commissaire. J'ai vu Louis faire tourner le plateau, mais je n'y ai pensé qu'après l'accident. Oui. Et maître Morange a bu le verre destiné à son ami monsieur Richon. C'est exact. Il a bu et il est mort peu de temps après. Oh, ça complique tout, ça. Mais alors, commissaire, le coupable, c'est la victime? Vous allez un peu vite, brigadier. Dans un sens, oui, il avait effectivement l'intention d'empoisonner son ami, car il n'y a pas de doute... Maître Morange a versé une dose massive de son médicament, une dose massive de digitaline dans le verre, et il est mort. Et pour M. Richon? Ça, c'est vous qui rédigerez le rapport en concluant au suicide, si vous voulez. En effet, M. Richon, il m'est impossible de déterminer si vous saviez que vous retourniez la mort contre votre ami ou si vous avez eu un mouvement de... peur instinctive. Il y a quelques minutes, je vous ai vu dans la glace faire tourner le plateau. Êtes-vous émotif? Est-ce le remords? Je ne trancherai pas. Mais vous ne m'en voudrez pas si je refuse de boire le whisky que vous venez de me servir. Oh, je vous assure, monsieur le commissaire, que... Oui. Je vous remercie. Mesdames, messieurs... Le brigadier restera en contact avec vous et pour l'instant, nous nous retirons. Où allons-nous, monsieur le commissaire? Mais à la gendarmerie. Ah. Oui, rédigez le rapport. Respectueux. Émile! Émile! Oui! Arrive! J'arrive. Il arrive, monsieur le commissaire. Bon, ben alors, qu'est-ce que tu veux encore? Oh, bonjour, monsieur le commissaire. Bonjour, brigadier. Écoute-moi bien. Ben, je t'écoute. Tu vas téléphoner au parquet et à la police judiciaire. Ah, ben, quand même, tu décides. Tu diras que maître Morange est mort, que le médecin a refusé le permis d'inhumer. Oui, ben, ça, je le sais. Écoute-moi bien. Ben, je t'écoute. Tu diras que le brigadier Valette a fait son enquête et qu'il a découvert, qu'il s'agissait d'un suicide. Tu l'as découvert tout seul? Te mêle pas de ça, va téléphoner. Bon. Mais ma parole, il se prend pour un commissaire. Vous entendez, commissaire? Non. Ah, mais ma parole, ça, c'est inouï ce qu'il est impertinent, vous comprenez? Je peux rien lui dire, moi. Je peux rien lui dire. On a le même grade. Mais grâce à vous, quand on saura que j'ai fait une enquête et que j'ai agi comme un fin limier, croyez-moi, dès que j'aurai ma promotion, j'aime autant vous dire que le brave Émile, il va valser. Il marchera au doigt et à l'œil. Ça, je vous le promets. Allons, brigadier. N'oubliez jamais que la première qualité d'un fin limier, c'est d'être calme, relax, détendu, aux aguets, oui, mais dans la décontraction. Oui, monsieur le commissaire, calme, relax. Entrez. Ah, Émile, alors, mon cher ami, alors? Bon, j'ai téléphoné. Et alors? La police, ils sont pas contents. Pas contents? Pourquoi pas contents? Ben, quand j'ai dit que tu avais fait une enquête, ben, ils m'ont dit, ben, de quoi il se mêle, celui-là? De quoi je me mêle? Non. Vous entendez, commissaire? Non. Du calme. Relax. Lorsque les inspecteurs seront là, je leur expliquerai votre brillante participation à cette enquête. Comptez sur moi. Brillante participation. Attends, Émile. Ah, monsieur le commissaire, vous êtes formidable. Si. Ah, mais si, ça, je vous le dis comme je le pense. Commissaire Bourma, je me demande comment on pourrait faire une enquête sans vous. Le brigadier mène l'enquête. C'était une fantaisie policière de Pierre Olivier, dialoguée par Marc Cottel. Avec les voix de Pierre Olivier, Philippe Dumas, Julia Dancourt, Edith Loria, Philippe Moreau, Fernand Guillot et Marc Cottel. Théâtre radiophonique, c'est une émission de Jean Degive, une réalisation de Jean Ruche, une production de Radio Nederland à Hilversum, Hollande.